Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur le 895 de Radio Audio. Nous sommes le mercredi 15 avril 2026. Il est 10h. Et comme tous les troisièmes mercredis du mois, vous retrouvez l'émission mensuelle de bande dessinée qui s'appelle Horreur Sanglier. Et pour cette émission un peu particulière, un peu moins de chronique et un peu plus de papotage, puisque j'ai la chance de recevoir un invité de prestige. C'est quelqu'un qu'on reçoit pour la première fois. Alors, on se connaît depuis fort longtemps. On va éviter le vouvoiement excessif qui ne sert strictement à rien. Et on va saluer donc notre invité dans Horreur Sanglier. Bonjour, Michel. Bonjour, Gérard. Alors, d'abord, ça me fait très plaisir que tu sois dans nos murs, sur le 895 de Radio Audio. Je disais le vouvoiement excessif parce qu'on se connaît quand même depuis fort longtemps. Donc, on peut se tutoyer et même se faire la bise. Tout à fait. Alors, tu viens nous voir. Ça faisait déjà un petit moment qu'on avait calé ce rendez-vous. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Michel Jacquet, c'est l'un des créateurs de la maison d'édition Jargy qui existe depuis maintenant un peu plus de 20 ans, puisqu'en 2024, on a fêté le 20e anniversaire de cette maison d'édition. Et tu es l'un des créateurs de cette émission. Et avant de parler un peu plus longuement du cheminement de cette maison d'édition, de ton lien avec cette maison d'édition, ton rôle précis, et puis évidemment, bien sûr, parler des parutions de Jargy. Comme d'habitude dans Rieur Sanglier, on a quelques chroniques. J'ai quelques chroniques, alors elles vont être réduites un petit peu, parce que moi je préfère à la limite qu'on parle tous les deux plutôt que de parler de beaucoup de chroniques comme j'ai l'habitude de le faire une fois par mois. Mais à tout seigneur, tout honneur, je pense que ça va te faire plaisir. Et comme on est sur une radio quand même musicale, l'un de mes coups de cœur de ce mois, ça sort chez Futuropolis. C'est un 144 pages qui coûte 22 €. C'est sorti le 11 mars précisément. C'est le nouvel album de Baru qui s'appelle Rock'n'Roll. Je pense que, et on aura l'occasion d'en reparler, Michel, tu es non seulement un éditeur, mais tu es quelqu'un de féru en bande dessinée, tu es même collectionneur. Donc, Je préfère me dire amateur que collectionneur, mais Baru, c'est bon, oui. Baru, c'est bon. Alors, il vient d'avoir 79 ans au compteur, le monsieur Hervé Baruléa, et il nous sort donc cet album qui s'appelle Rock'n'Roll. Alors, c'est en fait un conglomérat de 8 petites histoires qui sont greffées l'une aux autres. Évidemment, c'est lié à la musique qu'il aime beaucoup, c'est-à-dire le rock. Il explique pourquoi il était fan des Chaussettes Noires, pourquoi après il va devenir fan des Stones, des Who, etc. etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il ne parle pas à la première personne. Il utilise soit effectivement lui en tant que personnage, mais aussi il fait parler des amis à lui qui sont fans de rock'n'roll. Et il y a même certains auteurs qu'il connaît bien qui racontent des histoires sur le rock'n'roll. C'est Edmond Baudouin, pas n'importe qui, Charles Berberian et Francis Lax. Oui, c'est ça. Lax, je me souviens jamais de son prénom. C'est François. Peu importe. Oui, peu importe. Donc voilà. C'est un bouquin qui vient juste de sortir et qui est absolument magnifique. En tout cas, forcément, moi qui suis sensible effectivement à cette musique, à la musique binaire, j'ai pris beaucoup de plaisir. Mais même les gens qui ne connaissent pas bien le rock'n'roll, c'est pas si important que ça. Dedans, il y a toujours l'émotion que fait passer Baru. C'est un auteur qui est très sensible. Encore une fois, comme je le disais, il a 79 ans. Donc voilà, il a accumulé beaucoup, beaucoup d'expériences et de choses à raconter. Et ça donne un magnifique album qui vient juste de sortir chez Futuro. Ce qu'on va faire aussi, Michel, c'est que tu m'as laissé l'entière responsabilité de la programmation, alors qu'en général, c'est l'invité qui l'a fait, mais je pense que je vais te faire plaisir, puisqu'on va faire tout de suite une petite respiration musicale. Là, après, on parlera un peu plus, bien évidemment. On va rendre hommage à un auteur qui est chez Jargy, qui a fait en plus un bouquin sur un groupe que j'adore, Le Clash, et on va écouter Le Clash. Et on reparle après de évidemment des éditions Jargy et pourquoi pas aussi de Yann Madé. On commence donc au Rieur Sanglier avec Stay Free, c'est un morceau du Clash. Vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons. Allons-y. Voilà, vous êtes bien sur le 8-9-5 de Radio Dio. La bonne fréquence, c'est le mercredi, une fois par mois. Vous retrouvez donc le magazine mensuel de la bande dessinée. Et ce mois-ci, nous avons la chance d'avoir un invité très sympathique. Et justement, c'était un petit peu en son hommage qu'on a passé le clash, puisqu'il faut savoir que chez Jargy, donc la maison d'édition dont on va parler, eh bien, existe un bouquin qui s'appelle Sandinista, qui a été réalisé par Yann Madet et qui parle donc justement de l'histoire de ce groupe, le Clash, que je vous recommande fortement. Alors Michel, je voulais qu'on commence par le commencement. J'aimerais bien que tu me parles un peu de la genèse de Jargy et comment ça a commencé cette histoire. Une galéjade. Une galéjade. C'est-à-dire. Ah, tu sais, ces genres d'aventures, c'est quelque chose qui ne se prévoit pas vraiment. C'est-à-dire que on n'a rien anticipé. On avait deux livres prêts et puis on s'est dit, tiens, on a deux livres de prêts, si on faisait une maison d'édition. Mais on ne connaissait pas ce que c'était qu'une maison d'édition. Ouais. On s'est fait prendre à notre propre jeu. On a dû apprendre sur le tas. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et 20 ans après, on a du mal à lâcher, quoi. On a envie de continuer. Tous les efforts qu'on a faits payent et on a envie de continuer à grandir et à défendre, par contre, une éthique et des particularités sur lesquelles on reviendra, j'imagine. Oui, donc je disais que c'est en 2024 que vous avez fêté votre 20e anniversaire. Il y avait une très très belle expo à la fête du livre de Saint-Étienne. Donc en fait, tu peux en résumer, on peut dire que c'est une histoire d'amitié. En fait, c'est trois personnes. C'est ça, il y avait Alain Brejbul, Serge Prudhomme de Loupi et puis moi-même. Serge avait un livre avec moi, un livre avec Alain. On avait un éditeur avec Serge. Alain et Serge, leur bouquin, c'était plutôt de la poésie illustrée, très très compliqué à éditer. Et puis voilà, on s'est dit, pourquoi pas faire cette maison d'édition. Et puis on a eu la malchance que ça réussisse, donc on a continué. Moi, j'avais remarqué quelque chose d'important à l'époque, quand on a commencé à se fréquenter, entre guillemets, à l'époque où dans une autre vie, j'étais libraire, donc vous avez été parmi les premières personnes à venir me voir dans ma librairie. Et je me souviens, quand je t'avais demandé la définition des éditions Jargy, je pensais que tu allais me dire une maison d'édition de bande dessinée, tu m'avais dit c'est une maison d'édition d'images. C'est ça. Donc pas exclusivement lié à la bande dessinée. Les trois fondateurs, on était vraiment des gens passionnés par l'image. On voit que c'est quelque chose qui traduit tellement plus de choses parfois que les mots, qui exprime autrement les choses. Et c'est vrai qu'on aurait aimé à l'époque pouvoir continuer à faire tout comme on l'a fait pendant les 10 premières années, c'est-à-dire à faire de la photo, de l'illustration. Ouais. Oui. Et la réalité du commerce du livre, parce que c'est aussi un commerce, c'est qu'on doit passer à un moment ou à un autre par un distributeur pour toucher un plus large public. Et les distributeurs sont spécialisés. Et celui qu'on a choisi était spécialisé en BD. C'était ce qu'on avait de plus chez Jargy. Et du coup, on a mis un petit peu en stand-by le reste de la production qu'on continue à faire. Voilà. On a gardé des choses qu'on publie régulièrement. On a par exemple publié les carnets de synthé de Loupi. On a fait un très très bel album sur Aurec sur Loire de Christophe Girard, qui ne sont pas de la bande dessinée. Mais ça veut dire que du coup, c'est nous qui les distribuons et ça ne passe pas par notre distributeur. Ouais. Question piège, je ne pense pas pour toi, mais quand même, il va falloir peut-être que tu réfléchisses. Combien de références maintenant au catalogue Jargy? J'ai arrêté de compter il y a longtemps. On a passé les 150 livres, ça c'est sûr. On a passé les 100 auteurs. Ouais, quand je disais que c'était une belle aventure, c'est vrai que le début c'était 2 livres maximum par an, quoi. C'était vraiment petit. Aujourd'hui, on est sur un rythme sur ces dernières années de 12 livres en moyenne par an. Oui, c'est une structure qui grandit sainement, voilà, avec là aussi des livres qui marchent, des livres qui marchent moins, mais c'est le principe. Et puis on a envie de dire que le rôle d'un éditeur, c'est de prendre des risques, c'est-à-dire c'est pas de faire des livres faciles, des livres qui vont bien se vendre facilement parce qu'ils abordent des sujets faciles. On a envie de faire des livres un peu qu'on aime, voilà. Bon. Il y avait quand même, dès le départ, un marquage un peu, on va dire, local, dans le sens où déjà au niveau du nom de la maison d'édition, Jargy, il y avait ce marquage local, vu que le mot Jargy vient du patois stéphanois, hein, une jargie, quelqu'un qui rue dans les brancards, un gamin qui est mal élevé, on va dire. Pas très sage. Pas très sage. Par contre, très rapidement, je crois que vous avez voulu sortir de cette ornière-là, c'est-à-dire le côté local, il fallait que ça explose. Alors pour nous, c'était pas une ornière. C'était vraiment... On avait vraiment le sentiment que la culture venait de Paris. Voilà. C'était cette culture descendante qui venait de la capitale et qui... voilà. Et on avait envie de montrer qu'autre chose existait. Voilà, ça existait déjà avant nous. Hein. Il y avait déjà les maisons d'édition qui étaient en province. Mais c'est vrai que bah, même l'association et autres, tous les gros éditeurs ont une implantation à Paris parce que c'est là-bas où... ça se passe. C'est là-bas où il y a les journalistes qui chroniquent, oui. C'est là-bas où ça se passe. Et c'est vrai que nous, on avait envie de dire, ben, il se passe des choses ici. Voilà. Regardez, il y a des choses à Saint-Étienne. Et au départ, vous avez choisi ce qu'on appelle le circuit court. C'est-à-dire que bah, quand vous sortiez un bouquin, vous preniez vos cartons de bouquins et puis vous alliez voir les librairies. Hein. C'était ça à la base. Les 9 premières années, on avait vraiment l'intention déjà d'imprimer en local. Voilà, on l'a maintenu par la suite. Mais c'est vrai que pendant les 10 premières années, on imprimait à Saint-Étienne. C'est-à-dire qu'on était présent chez notre imprimeur au moment du tirage. On emmenait les auteurs. Voilà, c'était vraiment... quelque chose qui nous plaisait. On faisait travailler les gens sur place. Ça a été compliqué après parce que ben, toutes les imprimeries à Saint-Étienne qui faisaient des livres, il y a encore des imprimeurs, mais des imprimeries qui savent faire des livres, eh bien, il n'y en a plus à Saint-Étienne. Elles ont toutes disparu. Leurs machines sont parties dans les pays de l'Est et il a fallu qu'on aille chercher un peu plus loin. Pas très très loin. On imprime dans l'Ain. On est toujours en Auvergne-Rhône-Alpes. On imprime à la CEPEC majoritairement. Et de temps en temps, sur des petits tirages en numérique ou en imprime en Bretagne, chez Meilleure Impression. Voilà, mais il y a une vraie volonté aussi, au niveau de l'impression, d'être sur du circuit court. C'est important pour nous. Pour les auteurs, on s'est appuyé effectivement au début sur un réseau local. Voilà, on a fait naître, on a accompagné. J'aime pas faire naître, ils étaient nés avant. Ouais. Oui. On a accompagné des talents, des jeunes talents qui démarraient. Je pense à Armel Droit, qui va sortir un bouquin là, chez Marabule prochainement. Je pense à Ulrich, je pense à des tas d'autres. Je ne pourrais pas tous les citer parce que, grosso modo, il y a un tiers des gens qui ont démarré chez nous qui maintenant publient chez les gros éditeurs. Donc, ça veut dire qu'on a pas trop mal joué. Moi, l'esprit local, ça ne me gêne pas. Hein, ce n'est pas du tout une injure dans ma bouche. Mais c'est vrai que circuit court, avec au départ des auteurs qui étaient dans le giron stéphanois, on est d'accord, hein. C'est ça, ouais. Voilà. Après, encore une fois, la structure évoluant, il fallait que ces murs-là sautent et que vous alliez voir ailleurs, en fait. Oui, mais ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire que à partir du moment où on avait une structure qui faisait envie, et beaucoup de gens ont eu envie de venir publier des livres chez nous parce que on avait une éthique, on défendait les livres dans la durée. Aujourd'hui, où les gros éditeurs lancent un titre et puis s'il marche tant mieux, s'il marche pas tant pis, Jargy défend ce titre dans la durée. On sait très bien qu'un livre ne trouve pas son public en 3 semaines, les 3 semaines de la table de nouveautés, quoi, à peu près. Et puis, on fait feu de tout bois. Je présenterai peut-être tout à l'heure un petit livre d'un auteur québécois qui va sortir au mois de juin, Paul Bordelot. Voilà, j'ai fait un petit séjour à Québec pour aller voir ma fille qui faisait ses études là-bas. J'en ai profité pour aller voir des contacts dans la BD. Et puis, Paul, qui avait déjà travaillé sur un petit sous-boc, m'a dit « Mais j'ai un projet pour toi, si ça t'intéresse. Voilà. » Ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai qu'on a des auteurs maintenant, mexicains, allemands, autrichiens. Enfin, on en a un peu partout sur la planète. Et c'est bien. Et on continue à défendre le local aussi. Voilà, donc, dans Henri Hursanglier, dans l'émission de ce mercredi 15 juin, je reçois donc Michel Jacquet, l'un des créateurs de la maison d'édition Jargy. Et on va se faire une nouvelle respiration musicale. Et encore une fois, alors, c'est pas le fait du hasard. Encore une fois, on va reparler d'Yann Madé, mais je pense que tu en reparleras tout à l'heure avec justement peut-être sa nouveauté. Après le Clash, il avait donc consacré une BD à ce groupe. On va passer Colette Mani. Ça paraissait s'imposer, non Michel, hein ? Complètement. Avec donc un bouquin qu'il a fait sur cette formidable chanteuse française qui a disparu il y a déjà un petit moment. Et on va écouter en fait son tube, et Dieu sait qu'elle n'en a pas eu beaucoup. C'est un grand classique qui est devenu du moins un grand classique, ça s'appelle Mélocoton. Mélocotone et boule d'or, deux gosses dans un jardin. Mélocotone, où elle est maman? J'en sais rien, viens donne-moi la main. Pour aller où? J'en sais rien, viens. Papa, il a une grosse voix, tu crois qu'on saura parler comme ça? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Mélocotone, mémé, elle rit souvent. Tu crois qu'elle est toujours contente? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Périnée, elle est grande, presque comme maman. Pourquoi elle joue pas avec moi? J'en sais rien. Il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien. Viens, donne-moi la main. Dis, Mélocotone, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien. Viens, donne-moi la main. La grande Colette Mani dans Rieur Sanglier, ça me fait toujours plaisir et ça me touche toujours autant quand j'entends sa voix. C'était une femme assez incroyable et Yann Madé lui a rendu un très très bel hommage dans ce bouquin. D'ailleurs, si je peux me permettre, histoire de me la jouer un peu, je suis dans le bouquin. Je confirme. Yann, c'est un personnage incroyable. D'ailleurs, puisqu'on parle de lui, tu peux peut-être d'ores et déjà parler de sa nouveauté, non ? Alors, je vais parler de sa nouveauté. Je vais juste faire une petite précision sur Colette Mani. C'est la meilleure vente de Yann, puisque le livre est épuisé temporairement. Il va falloir qu'on le réimprime. Voilà. Donc, si vous en trouvez un, n'hésitez pas à sauter dessus chez un libraire. Il n'y en a plus. Ça me fait vraiment plaisir, parce que redécouvrir ce personnage qui n'a quasiment jamais fait de télévision, mais qui a eu une carrière exceptionnelle, et c'était en plus un personnage assez incroyable. Donc, bah, tant mieux. Ce bouquin, moi, je l'ai dévoré. J'ai trouvé vraiment que c'était vraiment une histoire magnifique qu'il a su synthétiser, parce que c'est pas simple. Colette Mani, elle a eu une longue carrière. Et comme ça, il a comment dire, du bout du crayon, il est arrivé à raconter quelques petites histoires la concernant et j'ai trouvé ça magnifique. Donc, il a une actualité, Yann. Yann, oui, il a une actualité. Alors, pour certains qui nous suivent, ils savent qu'on a lancé une collection qui s'appelle Label 42. Le Label 42, c'est une collection où on avait un premier titre sur la SF qui est paru pour la fête du livre. Voilà. Il va y avoir des titres qui paraîtront tous les 3 mois à peu près. L'actualité de Yann, c'est Lavilliers. Voilà, c'est son Lavilliers à lui. Il a appelé ça Mes Vivolets à Lavilliers. Il raconte comment ce chanteur, à différents moments de sa vie, lui a percuté sa vie, a percuté ses amours, ses copines, qui étaient un peu fans de Lavilliers, plus que lui d'ailleurs au départ, si j'ai bien compris. Oui. Lui, le Marseillais, raconte aussi son Saint-Étienne, c'est-à-dire qu'il vit à Martigues, mais il a énormément de copains stéphanois. Saint-Étienne a fait partie de sa vie tout au long, régulièrement. Il est venu voir des concerts régulièrement ici. Ses meilleurs amis étaient de Saint-Étienne. Et du coup, il raconte cette ville et l'évolution. C'est un peu quelqu'un qui vient régulièrement, mais avec un peu de temps à chaque fois, et qui redécouvre la ville différemment. Et il nous raconte ça à travers son Lavilliers, et c'est juste brillant. Voilà, ça donne juste envie d'écouter les chansons de Lavilliers. C'est un très très bel hommage. On a eu un retour de Big Brother Company, qui est la maison d'édition officielle de Lavilliers, qui ont beaucoup aimé. Voilà, c'est tout simple, et c'est un très bon bouquin. Ça parle de Saint-Étienne, ça parle de Lavilliers. C'est fait en local, en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est distribué par Jargil Diffusion. Et ça n'est trouvable que sur la Loire. Voilà. Et ça coûte la modique somme de 14 euros. Alors, il n'y a pas que la musique dans la vie, il n'y a pas que le foot non plus. C'est bien parce que tu as juste souligné le bouquin, et on peut en parler aussi, sur l'ASS, puisque Saint-Étienne, c'est une ville de football. Hein, c'est la ville de Lavilliers, bien sûr, c'est aussi une ville de football. Et en plus, ce qui est en train de se passer en ce moment, avec la probable remontée de l'équipe en Ligue 1, il y a un bouquin là, qu'il faut avoir aussi, concernant le foot, concernant l'ASS. Oui, ben c'est ASSE, une histoire de légende. C'est le tout premier de la collection. C'est un livre qu'on a tiré à 3000 exemplaires. On est sur la fin du tirage. Vraiment, en même pas un an, c'est 6 mois, on a vendu l'ensemble du tirage. Il continue d'être demandé et on va le réimprimer au mois de juin avec la sortie du prochain titre qui va s'appeler Ravachol, ce monsieur né à Saint-Chamond, mort à Montbrison, qui a aussi une histoire avec le local. Voilà. On va essayer à travers cette collection de valoriser notre territoire. Parfois, les Stéphanois connaissent mal leur histoire, connaissent mal. On a toujours l'impression que rien ne s'est passé ici. Si, on a une histoire très très riche. On a des gens très intéressants qui sont nés ici, qui ont agi ici. Il y aura un numéro un jour sur un grand auteur de romans qui s'appelait Charles X. Broya. Mmh. Voilà. Je ne peux pas citer tout ce qui va apparaître, mais voilà. Il y a plein de choses qu'on a envie de mettre en valeur. Et effectivement, Lavilliers en fait partie, l'ASS en fait partie, l'ASS, ça sera un titre phare. Voilà, donc on va le maintenir au catalogue. Et on va en profiter justement, parce qu'il y a une date locale entre ces deux auteurs, Yann Madé et l'auteur de l'ASS, oui, qui seront donc en dédicace aux Intrus. Donc c'est une librairie qui est rue du Braille. Tout à fait. Et c'est quoi, le 29 avril de mémoire ? J'aurais dit que c'était juste avant le salon des éditeurs, ça doit être le 24 avril. Alors le 24 avril, voilà, donc c'est un vendredi, avril, je crois. C'est ça, c'est un vendredi, 16h-19h. C'est ça. Tu vois, je suis un bon élève, j'ai tout noté, je savais que... Tout à fait. Et donc ça tombe bien, puisqu'on vient de parler de ces deux bouquins, les deux auteurs seront là. Et ils seront aussi en partie présents, tous les deux, sur le salon des éditeurs, qui sera... à la Bourse du Travail, mais on en reparlera après. On va en reparler, bien sûr. Et puis, on va revenir aussi sur les éditions Jargy. Moi, j'aimerais bien, on a parlé un peu de l'histoire. On va se faire une respiration musicale, mais j'ai parlé du bouquin de Baru. Il faut quand même que je parle du nouveau bouquin de Salch. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas une très bonne réputation, Salch. Il s'est fait connaître chez Fluide Glacial avec Lookbook, où en fait, il faisait une galerie de portraits bien, bien crado, bien dégueulasse de certains personnages de la télévision ou d'ailleurs. Et là, il revient avec un bouquin, moi, qui m'a assez impressionné, qui s'appelle « Français, langue étrangère ». Ça sort chez Dargo. C'est un 136 pages qui coûte 23,95 €. C'est sorti donc le 27 mars, c'est très récent. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une professeure de ce qu'on appelle de FLE, Français, langue étrangère, qui bosse dans un organisme d'accueil pour apprendre le français à des étrangers. Elle s'appelle Marie, voilà, elle est professeure et donc elle joue surtout un rôle d'assistante sociale dans cette structure, puisque forcément elle va raconter, le bouquin va raconter des petites histoires souvent assez drôles d'ailleurs sur comment on peut enseigner le français par rapport à des étrangers, des gens qui sont en situation de précarité. Elle va les aider à faire des papiers administratifs, à trouver un médecin, etc., etc. Et le bouquin m'a beaucoup plu et je redore un peu le blason de Salch que j'avais un peu mis dans la case Harakiri. Je trouvais que c'était un peu facile souvent. Il a un dessin qui est presque caricatural, c'est du noir et blanc. Comme je le disais, c'est un 136 pages, donc il y a de quoi faire. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé par petites touches. Donc, c'est des petites histoires, c'est des récits vécus, etc. Par petites touches, il arrive à raconter en fait ce que c'est que le parcours des gens qui arrivent en France parce qu'ils ont été chassés de chez eux. Donc voilà, c'est un très très bon bouquin. On se fait une nouvelle respiration musicale. Encore une fois, la programmation elle est faite pour Michel et pour Jargy. Hein. Là, peu de gens connaissent, mais il faut savoir que le grand, entre guillemets, quand je dis grand, il n'est pas très grand par la taille, il est grand par le talent. Fab Caro, il a fait de la musique. Il a créé un groupe qui s'appelle Sherpa. Et moi, j'ai la chance d'avoir ce CD que tout le monde n'a pas. Et on va écouter un petit titre de Sherpa. Bah, il s'est fait plaisir, hein, l'ami Fabrice Caro. Et franchement, c'est très sympathique. On se retrouve après ça. Asking on the world, he found falling down, telling on the road. executing the face of everyone. I'm feeling like a piece of ice under the sun. Asking all the world if I'm falling down, turning all around, going anywhere. Don't get monkey, take me, break me, give a crap someday. I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down. I'm feeling like an in the face of everyone. I'm feeling like a piece of ice under the sun. Even if the morning light through window glass is scrolling on the wall, even if the tiny face reminds me all the days you came along, never mind the evening songs of neighborhood or grass. I'm feeling down, down, down. What's gone is gone. Asking all the world if I'm falling down, turning all around, going anywhere. Don't get monkey, take me, break me, give a crap someday. I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down, I'm feeling down. I'm feeling like hitting the face of everyone. I'm feeling like a piece of ice under the sun. Il est 10h30 sur le 895 de Radio Dio. Vous êtes sur la bonne antenne du Horreur Sanglier, le magazine mensuel de la bande dessinée. Donc nous sommes le mercredi 15 avril, troisième mercredi du mois. Donc, et j'ai la chance de recevoir Michel Jacquet, l'un des créateurs de la maison d'édition Jargille. Et j'aimerais bien, Michel, qu'on revienne un petit peu, parce qu'on a parlé un peu des nouveautés, qu'on revienne un peu à Jargille, toi en tant que... Tu es scénariste plutôt ? Scénariste, coloriste, oui. Tu es aussi un peu dessinateur, je t'ai vu à l'œuvre, tu sais. Je dessine aussi, mais moins bien que les autres. Et alors, justement, toi, par rapport à ton point de vue de scénariste, comment ça se passe quand quelqu'un, par exemple, a un projet et a envie d'être publié chez Jargille ? Comment ça se passe ? Comment tu fais le choix ? Comment ça se passe ? Alors, c'est quelque chose qui se voit un peu partout dans toutes les maisons d'édition. C'est vrai chez Cornelius, c'est vrai l'association. On a une priorité chez les auteurs qui ont déjà publié chez nous. Bah, ça s'appelle la fidélité. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. En moyenne, je dois être à 2 ou 3 par jour à peu près. Ouais. Ah oui ? Ah oui, ah oui. On m'envoie des romans, on m'envoie des livres jeunesse, on m'envoie de tout. Donc déjà, j'aurais tendance à dire aux gens, mais soyez pas bêtes, quoi. Si vous envoyez quelque chose qui ne correspond pas à la ligne éditoriale de l'éditeur à qui vous l'envoyez, vous n'avez aucune chance, quoi. C'est quand même pas compliqué d'aller en librairie, de regarder ce que les gens publient, et puis en fonction, vous ciblez déjà. Vous multiplierez les chances d'être édité. Après, ce qui concerne la bande dessinée, je regarde tout ce qui arrive. Je lis, et je lis les premières pages. Si ça m'accroche, comme ça doit accrocher un premier lecteur, eh ben je vais plus loin. Et puis si je m'entends avec la personne, parce que défendre un livre, c'est aussi défendre un auteur, eh ben on signe un contrat et on fait le livre. Je ne publie que ce que j'aime. Je dis « je » parce que c'est vrai que mon ami Deloupi, mon ami Alain Brejbul se sont un peu éloignés, tous les deux. Alain est devenu le maquettiste de Jargille. Il nous donne une identité visuelle qui est vraiment importante. Mais voilà, il est plus un prestataire maintenant, même si on lui demande régulièrement son avis aussi. Et Deloupi a sa propre carrière de dessinateur de bande dessinée qui lui laisse peu de temps pour travailler autour de Jargille. Il fait encore quelques tâches pour Jargille. Je crois qu'il il envoie de temps en temps des colis pour Jargille. Mais c'est vrai que la structure maintenant repose à peu près à 99% sur mes épaules. Il faut le préciser, c'est une structure associative, on est d'accord. C'est l'association ça. Loi 1901. C'est une structure associative qui marche uniquement sur le bénévolat, c'est-à-dire que je vis de mon travail de scénariste. Je suis scénariste pour d'autres médias. Je travaille aussi, je fais des interventions dans les écoles, je fais des interventions, je vis de ça. Et puis, Jargille, c'est... Bon, avant, on aurait dit c'est ma danseuse. C'est ce qu'on a envie de faire grandir parce que c'est beau, c'est élégant et puis ça défend. J'avais envie de revenir un peu, tu vois, sur, alors, si tu me permets, le monde de l'édition, aujourd'hui, on voit M. Bolloré qui vient de se racheter, enfin, d'acheter Grasset, puis qui met des gens à la tête. Il y a des gens qui, avec l'argent, ont envie d'imposer des idées, voilà, une manière de faire, mais en se moquant complètement de la création. Voilà. La création n'est pas leur sujet. On a bien compris que ce n'est pas la tienne, voilà. Façon de faire. Et je pense que oui, c'est important de défendre des idées, de défendre autrement. Et tu parlais de Fab Caro tout à l'heure. Fab Caro, certains maintenant commencent à dire « Mais Fab Caro, c'est le monsieur d'Astérix, il n'a pas besoin de ça. » Non, Fab Caro, c'est un mec qui a grandi chez les petits éditeurs. Il a grandi à la cafetière, il a grandi chez plusieurs petits autres éditeurs. Son nouveau bouquin, il sort chez Six Pieds Sous Terre. Hein, c'est ça, exactement. Et quand il s'en souvient, c'est-à-dire que quand la cafetière est en difficulté à Angoulême parce qu'il ne vendait rien, Fab Caro lui a passé un petit coup de fil à Philippe Marseille, lui a dit « Je viens 2 heures, j'allonge sur les réseaux et je fais 2 heures chez toi ». Et en 2 heures, il a fait 200 bouquins, il a sauvé la cafetière. Fab Caro, c'est un mec qui a de la mémoire, c'est un mec qui est... C'est un bon mec, voilà. Juste ça, c'est-à-dire que peut-être qu'un jour, on fera la différence entre ceux qui sont intéressés... Oui, moi, je ne sais pas, mais quand j'entends des sommes que gagnent Nicolas Sarkozy ou Jordan Bardella en faisant des livres, il doit avoir des recettes que je n'ai pas. Je suis désolé, j'avais pas coupé mon téléphone. Oui, alors, une question un peu piège, Michel, puisque tu parlais de la ligne éditoriale. C'est quoi exactement la ligne éditoriale de Jargy ? J'ai l'impression quand même que le panel, il est hyper large. Il se trouve que j'ai des goûts très hétéroclites. Je lis plein de choses. Et j'aime à penser que mes lecteurs lisent aussi plein de choses. Entre les scories de Solange et un prochain livre que je fais avec une jeune femme autiste qui exprime ses choix sexuels qui sont différents, il y a des grands écarts, effectivement. Mais si ça me plaît, si ça me touche, si je vois un intérêt de faire ce genre de livre, je l'ai fait. Voilà. Je ne me pose pas la question. Quand un grand ancien comme David de Toin vient me confier un bouquin, je suis ravi de le faire parce que c'est vraiment un grand, grand monsieur. C'est le monsieur de la colère dans l'eau, un livre incontournable. Mmh. Voilà. Tu parlais de Fab Caro, il y a une référence, Jargy, Fab Caro. Malibu Anana, oui. Ouais. Justement, ça serait bien aussi que tu nous dises un mot parce qu'il y a plusieurs collections chez Jargy. C'est pas un bloc. Non, non. Il y a plein de. Voilà. On a des collections jeunesse, on a des collections humour, on a la collection hors piste où là, ce sont des one shot, ce sont des livres plutôt ados adultes, avec des livres qui ont remporté plein de prix. Je pense entre autres au Dromadaire dans la forêt, qui a eu le prix du meilleur scénario. Le mérite du meilleur premier album aussi pour le dessin, pour Oz Bayol. Je pense dernièrement à ce livre qui s'appelle Entre deux rives. Entre deux rives, c'est Claire Favre et Grégoire Co, un livre sur la guerre d'Algérie, sensible. Un livre qui est en cours pour le prix des lycéens dans la région PACA, parce que ça permet d'aborder ce sujet en voyant les deux côtés. Voilà, Grégoire, qui est le scénariste, s'interroge ses deux grands-pères, qui ont tous les deux vécu en Algérie pendant la guerre d'Algérie, mais chacun d'un côté. Les deux grands-pères ne se sont pas parlé, et pourtant ils acceptent de parler à leur petit-fils, et Grégoire raconte ça, et c'est juste bon. Il y a aussi différents formats, c'est ça qui est incroyable. Je pense évidemment à la collection BNO Carré, la collection Soubok, qui sont des approches très intéressantes, puisque en fait, il y a, j'irais presque une contrainte, dans le sens où en quelques pages, il faut raconter une histoire. C'est pas facile, ça. Et il y a plein de gens qui s'y sont prêtés. C'est le plus difficile. Étaler la confiture, c'est facile, tous les littéraires te le diront. Par contre, la concision, l'excellence, c'est compliqué. Oui, on a ces collections BN qui traitent de l'enfance, ou Soubok qui traite d'un moment autour d'une boisson. Je parlais de Paul Bordelot tout à l'heure, il a fait un très très beau récit dans la collection Soubok qui s'appelle Songe, où il nous fait passer d'un petit lac canadien à une soucoupe volante et à un chien qui parle. Voilà. Dit comme ça, ça paraît complètement loufoque, et c'est super bon. Voilà. C'est de la poésie écrite et dessinée. La BD permet beaucoup, beaucoup de choses. Ah ben, encore une fois, tu prêches un convaincu. Moi, je pense que c'est une introduction magnifique à la lecture. Et justement, j'ai encore vu, pas plus tard qu'hier soir, encore un sujet là-dessus. En fait, on explique que les enfants lisent de moins en moins, malheureusement, qu'ils passent plus de temps sur une tablette que dans un bouquin. Je crois que Jargy, c'est justement le bon intermédiaire. C'est effectivement la possibilité de découvrir le 9e art, la bande dessinée, grâce justement à des petits bouquins, grâce aussi à cette diversité que je trouve moi assez incroyable. On va se faire une autre respiration musicale, puis après on parlera peut-être de l'actualité Jargy, là, puisque tu as commencé un peu à déflorer le sujet en parlant de ce salon qui va avoir lieu à Saint-Étienne. Oui. Et ben on en parle tout de suite après ça, après Fab Caro. Alors un auteur que j'avais reçu, moi, qui a fait un bouquin absolument formidable, je voudrais quand même en dire deux mots. Pour moi, c'est le coup de cœur du mois. Ça s'appelle « Chère historienne » de Geoff Winterhart. Ça sort en plus chez un éditeur que forcément tu apprécies, Michel, c'est les éditions Ça et Là. C'est édition Serge qui fait un travail formidable avec exclusivement des auteurs étrangers. C'est un 192 pages qui coûte 26 euros, « Chère historienne ». Je ne vais pas déflorer le sujet. Chez Geoff Winterhart, c'est un auteur que j'avais reçu, moi, à la fête du livre. Il a la particularité, c'est, on est obligé de le dire, c'est quelqu'un à qui il manque un bras. Et il est batteur dans un groupe de rock. Et évidemment, il joue sans prothèse. C'est-à-dire qu'il utilise, enfin, entre guillemets, son moignon pour faire la baguette. Et dans Chère historienne, pour en revenir à ce bouquin qui est absolument formidable, son troisième, c'est toujours en gros le même sujet. C'est deux personnes qui se rencontrent, qui n'auraient pas dû se rencontrer, qui sont d'âge et de catégories sociales différentes. Et ça crée une formidable amitié. Il faut savoir que c'est du noir et blanc, mais qu'il a utilisé un procédé que, tiens, un local connaît bien, Baptiste Deraille, avec le pas de la Manu, il utilise le monotype. Mmh. C'est un procédé, peut-être qu'on en parlera après, une fois qu'on aura écouté le morceau. C'est un procédé technique qui est compliqué quand même, hein, le monotype. C'est très compliqué, oui. Mais Baptiste est un dieu là-dedans. Et donc, eh ben, Geoff s'y est prêté et ça donne ce bouquin qui s'appelle « Chère historienne ». On va écouter son groupe qui s'appelle Bucky. Alors donc, il est à la batterie, hein, des fois il chante aussi un peu. C'est assez marrant et ce CD, il me l'avait confié quand il était venu à Saint-Étienne il y a quelques années. On va écouter Bucky, on va écouter Geoff Winterhart. Vous allez voir, c'est fort sympathique. Well, they changed everything about that golden mile, and the candy box turned into a smile. And Vinny's parents' shop got knocked right through for a village of shoes. But the swimming pool is still a swimming pool. Kids still wanna swim when they finish school. And the beehive girl drowned in 65. The spirit still swims through every June and July. The best looking building and street I've seen is where Alex met his girl at the age of 13. Won't you let me meet you at the pool? But the swimming pool is still a swimming pool. Crispin kids still swim when they finish school. And the boy and girl who met here age 10, she says 3 summers later that she'd never love again. Will anybody go there? Does anybody know where you can go? Where they went to a triple spring, bought a burr, a fit of cement, oh. Il est 10h42 sur le 895 de Radio Duo. Vous êtes dans le magazine mensuel de la bande dessinée Horreur Sanglier, le troisième mercredi de chaque mois. Donc nous sommes le mercredi 15 avril et on a la chance d'avoir avec nous pour cette émission Michel Jacquet, donc le digne représentant de la maison d'édition Jargy. On a abordé beaucoup de sujets. On pourrait d'ailleurs, je trouve que le temps passe beaucoup trop vite, Michel. On aurait plein de sujets à évoquer. Je voudrais quand même qu'on parle un peu de l'actualité, parce que là, tu as une autre casquette, du coup. Oui. Une autre casquette. Là, c'est plus... Si, c'est à la fois l'éditeur, mais tu es aussi dans une autre structure qui... Alors, c'est l'association des éditeurs stéphanois qui s'appelle ADEIRA. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est pas grave. On ne peut pas exister seul dans son coin. Je pense qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Et on a fait le constat il y a quelques années que beaucoup, beaucoup, beaucoup, il y avait beaucoup d'éditeurs à Saint-Étienne. On a fait un décompte un jour, on s'est rendu compte qu'il y avait au moins 22 structures éditoriales à Saint-Étienne. Voilà. Formidable, ouais, formidable. Ouais. Mais Saint-Étienne, quand je dis que Saint-Étienne est surprenant en musique, Saint-Étienne est très surprenant. En culture, Saint-Étienne est très surprenant. Il y a plein de choses qui se passent en théâtre, je passe. Oui, le tissu associatif est absolument exceptionnel à Saint-Étienne. C'est ça. Mais ça tient aussi peut-être aux Stéphanois qui sont des gens et des citoyens formidables. Du coup, c'est vrai qu'on s'est dit que plus fort, on était plus... Enfin, ensemble, on était plus fort et on a réuni ces 22 structures. Alors, pour être honnête, il y a quelques petites structures, toutes petites, qui tournent d'ailleurs. On a eu Olifanzine, on a eu Prisme, on a eu... Qui sont vraiment des fanzines, mais en même temps, c'est là où on commence la création. Ces petits organismes où on fait ses premiers dessins, où on écrit ses premiers textes. Et puis, Jargis s'est appuyé un peu dessus aussi. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs qu'on a repérés dans ces fanzines avant qu'ils deviennent des auteurs Jargis. Il y a beaucoup de grosses maisons d'édition. Je pense à Caïman, qui fait du polar. Je pense à Utopia. Je pense à une excellente maison d'édition de poésie, Laure et Algar. Voilà. Mmh. Mais je pourrais en citer plein d'autres. Créafis. Tous ces gens vont être présents le 25, et que je ne dise pas de bêtises, j'ai l'affiche devant les yeux. C'est deux jours à la Bourse du Travail. Et 26 avril à la Bourse du Travail, c'est un samedi et un dimanche. Et on a fait venir en plus une dizaine d'autres éditeurs, ce qui fait qu'on sera plus d'une trentaine d'éditeurs présents. Il y aura nos amis de Tanibis, par exemple, qui font aussi de la bande dessinée à Lyon. Voilà. Et tous ces gens-là seront présents, attendront leur public pour dédicacer des livres, parce qu'il y aura des auteurs. Voilà. Et puis c'est un moment où on travaille tous ensemble et où on va tous ensemble dans le même but, c'est-à-dire faire connaître la culture à un plus large public et faire aimer la lecture, bien entendu. C'est un rendez-vous habituel, puisque ça fait déjà quelques années que c'est proposé. Il faut préciser que c'est une entrée gratuite. Tout à fait. Il y a la présence d'une buvette, donc on peut se restaurer, etc. Pas cette année ? On a laissé tomber la buvette. Dommage. Ouais, mais il faut être honnête. Il y a des choses qu'on sait bien faire et il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on a remplacé la buvette par un autre petit truc qui est pas mal. Tous les éditeurs présents donnent des livres et on fait une grande tombola. C'est-à-dire qu'il y a un ticket à 2 euros, je crois, et il y a beaucoup de lots. Et les gens gagnent, le tirage au sort doit être le dimanche soir, les gens gagnent des livres pour 2 euros, ils ont un beau paquet, ce ne sont que des livres des éditeurs présents et ça vaut le coup. Redonne les dates, on les redonnera à la fin de l'émission. Mais... 25 et 26 avril, donc à la Bourse du Travail. Voilà, c'est un samedi et un dimanche. C'est ça. J'en reviens encore une fois à Jargis, qui est la moindre des choses, et c'est une question un peu piège. Si par exemple, tu as une personne pendant justement le festival à la Bourse du Travail qui vient de voir Michel et qui te dit « Je connais pas Jargis. Par quoi je pourrais commencer pour être bien introduit dans cette maison d'édition ?» Ah, c'est piège, ça. Non, c'est, alors, c'est pas piège du tout parce que ça m'arrive tellement souvent. Voilà. C'est un grand classique, mais c'est une très bonne question. Jargis a la chance de n'avoir pas encore touché tout son public. On a encore beaucoup de boulot à faire, même si on commence à être connu nationalement et même internationalement. En fait, j'ai une table bien fournie avec plein de livres. Je regarde là où se porte le regard des gens parce que le premier contact avec un livre, c'est le dessin. Bah oui, c'est normal. Voilà. Et je propose à la personne de lui parler de ce livre-là. Moi, je les connais tous, mes livres. Si je les ai édités, c'est que je les aime tous. Donc, c'est assez facile. Et en fonction... T'as beaucoup d'enfants, toi, hein ? Ouais, j'ai beaucoup d'amis qui font des enfants, ouais, c'est ça. Mais oui, c'est important. Le plus problématique, peut-être, quand on est éditeur et auteur, c'est d'oublier qu'on est auteur. Voilà. C'est d'oublier ses livres, parce que, voilà, faut pas se mettre en avant, faut parler des livres de tous les copains. Et ça, c'était peut-être le plus dur au départ. Maintenant, je m'y suis fait. Et puis en plus, les séries qu'on a fait avec mon ami de Loupi ou avec William Mogel marchent bien toutes seules, donc elles n'ont pas besoin que je les défende principalement. Mais c'est vrai que c'est le premier contact avec un livre, c'est ça. Et puis après, il y a les gens qui viennent, mais pas pour eux. Il y a des gens qui viennent en disant « je voudrais faire un cadeau à ». Et alors là, la question c'est « mais il aime quoi ? Qu'est-ce qui l'intéresse ? Il aime l'histoire ? Oui. Il aime le voyage ? Ok. Alors s'il aime l'histoire, pas de souci. On avait l'évasion. On a entre deux livres, on a des livres qui parlent du seul résistant qui s'est évadé de la prison de Montluc à Lyon, un livre qui parle de la guerre d'Algérie, voilà. J'ai des choses. De voyage, ça peut être un voyage plutôt littéraire, comme un voyage en transsibérien de Bettina Eiger, un récit fait en 2012 de Moscou à Vladivostok, un voyage qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Ou un récit beaucoup plus sensible, beaucoup plus personnel, beaucoup plus frais aussi, celui de Léa Twitou, Café Touba au Sénégal, un voyage au Sénégal, où une jeune femme d'une vingtaine d'années découvre un autre pays, un autre univers, après avoir eu un peu peur, parce que c'est un voyage collectif où elle se retrouve seule, voilà, au départ. Il y a plein de possibilités. Si on parle de musique, on a Somaliland, on doit avoir le livre de Alf Bob et de Raymond Howard. Voilà, il y a plein de choses. Est-ce que vous aurez des... D'habitude, il y a des auteurs présents sur le stand cette année, oui, aussi ? Oui, il y aura des auteurs. Boris Ribos devrait passer pour dédicacer son Crassier, que je viens de rééditer parce que lui aussi était épuisé. Il y aura un dénommé Yann Madé, qui vient défendre sa nouveauté, puis tous les autres livres, puisque Yann a fait quelques livres chez nous. Olivier Père devrait être là une demi-journée. Grégoire Coe, qui a écrit Entre deux rives, devrait être présent aussi. Donc oui, on aura des auteurs. Voilà. Je ne cite pas tout le monde, mais oui. Ce n'est pas uniquement de la vente de livres, il y a aussi la présence d'auteurs, parce que c'est ça qui fait la différence pour moi. Hein. C'est quand tu as la chance de rencontrer des auteurs, des autrices, c'est formidable. Voilà, j'aime ce terme de rencontre. La dédicace est un acte gratuit que l'auteur fait bien volontiers. Service après-vente. Mais c'est avant tout une rencontre avec son public et c'est ce qui est intéressant et c'est ce qu'on privilégie. On fait une dernière respiration musicale dans Rieur Sanglier. On te retrouve, Michel, après. On va encore une fois, tu as parlé de Yann Madé. Bah, je vais repasser un morceau du Clash hein, parce que forcément, ça s'impose. Il sera, en plus, il est présent. Sachant que ce monsieur habite dans le sud, hein, donc il nous fait le plaisir de venir à Saint-Étienne, il ne faut pas le louper. En plus, humainement, c'est un type incroyable, d'une gentillesse et d'une humanité exceptionnelle. Grand amateur de café, faut-il le préciser. Donc on retrouve le Clash et puis on se retrouve pour évoquer encore une dernière fois les éditions Jarji et l'actualité de Jarji après ça. Oh, 10h53 sur le 895 de Radio Dio. Vous êtes bien dans le magazine mensuel de la bande dessinée Aux Rieurs Sangliers. Avec nous, ce mois-ci, Michel Jacquet des éditions Jargie. Je voudrais quand même, avant de te redonner la parole, Michel, repréciser ce dont j'ai parlé pendant cette émission qui ne concerne pas Jargie, quoique. Rock'n'Roll, le bouquin de Baruch est sorti chez Futuro. Le bouquin de Salch, Français, langue étrangère, qui est sorti chez Dargo. J'ai parlé aussi de mon coup de cœur de ce mois, Chère historienne, de Geoff Winton Hart, aux éditions Ça et Là. Je voudrais rajouter deux bouquins qui me paraissent très importants aussi, que j'ai bien appréciés. Je pense que toi aussi, tu vas les apprécier si tu ne les as pas encore lus, parce que celui-là, il n'est pas encore sorti, il sort que le 17 avril. C'est La longue marche de Lucky Luke, de Mathieu Bonhomme. Mathieu Bonhomme, pour les gens qui aiment la BD, forcément, ils connaissent Mathieu Bonhomme. C'est quand même lui qui a fait le Marquis d'Anaon, Messire Guillaume, le voyage d'Esteban, etc., etc. Et il s'attaque pour la troisième fois donc à une adaptation à sa sauce de Lucky Luke, d'après Maurice. Il avait fait L'homme qui tua Lucky Luke, déjà moi le titre, j'avais trouvé ça exceptionnel. Et il avait fait après, ensuite, Wanted Lucky Luke. Et là, il nous revient avec La longue marche de Lucky Luke. Et je rajoute rien, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. J'aime beaucoup sa charte graphique, c'est un grand dessinateur et en plus il sait raconter des histoires. Et je voudrais rajouter un autre bouquin, et là ça concerne un peu Jargie, puisque c'est le nouveau Nicobi, qui s'appelle La fragilité des hommes, qu'il a signé avec Zabus, ça sort chez Dargo. Et c'est un album de 128 pages qui coûte 23,50 €. Je suis désolé. Et donc, ça s'appelle La fragilité des hommes. Et comme d'habitude, on retrouve le côté très humaniste de Nicobi. Moi, j'aime beaucoup son trait aussi. Et c'est quelqu'un qui a fait aussi quelque chose chez Jargie. C'est quelqu'un qui a fait déjà deux livres chez nous. Et qui va en faire d'autres, puisqu'il a fait La bibliothèque du bon goût, qui est un hommage et une référence à notre Comicsland du départ, un des deux premiers livres qu'on a fait avec... tout à fait au début avec de Loupi. Une sorte de bibliothèque idéale de la BD ? C'est plutôt dans sa bibliothèque tous les livres et tous les auteurs qui l'ont marqué, qui ont été importants pour lui. Voilà. Et il a fait un petit sous-boc aussi, La goutte à pépé, voilà, que je conseille, qui est vraiment excellent. Et là, il nous a proposé un autre projet, ça sera pour 2027, avec quelqu'un qui est connu aussi. Un très, très, très beau bouquin aussi, voilà, il y aura des surprises. Donc voilà, donc il a une nouveauté là, qui sort chez Dargo, qui est vraiment excellente, La fragilité des hommes. Ça se passe dans un petit village en France, la France profonde, qui s'appelle Mouet. Et à Mouet, il ne se passe rien. Les jeunes sont partis et les vieux sont partis en EHPAD. Et là, il raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle François Sauvage, qui veut faire du théâtre. Moi, j'ai complètement adhéré. Tiens, une dernière question piège, Michel, puisqu'on parlait de bibliothèque idéale. Alors, tu nous as dit comment, par exemple, tu fais quand les gens ne connaissent pas Jargie et qu'ils veulent s'imprégner de cette maison d'édition. Toi, ta bibliothèque idéale, c'est-à-dire que si tu avais à conseiller des BD, quelques BD, pas beaucoup, hein, ça serait quoi l'essentiel ? Parce que je sais que tu as une énorme collection de BD. Ça serait quoi ? Pas facile, ça. Hein, ça, c'est, oui, ça, c'est un piège, parce que je ne sais pas à qui je conseille. Et écoute, alors tu parlais de nouveautés. Moi, je viens de lire un très bon bouquin de Charles Berberian chez Casterman. J'ai plus le titre en tête, mais tu vas le retrouver. C'est un livre où il nous parle de son Liban natal. Et c'est un livre qu'il a fait à quatre mains avec une dessinatrice libanaise. Et c'est un livre qui nous raconte la guerre précédente. Voilà, on n'est pas dans la guerre d'aujourd'hui. Mais déjà, toute la situation y est. C'est tout ce conflit israélo-palestinien en filigrane. Les envies parfois d'expansionnisme de certains en Israël. Le Hezbollah qui joue son rôle de proxy de l'Iran. Et au milieu de tout ça, des Libanais qui essayent de vivre en paix et de vivre heureux sur leur terre. Voilà, ils sont dans un pays formidable. C'est compliqué. J'ai pas retrouvé le titre, mais bon, ils viennent faire justement un autre bouquin là-dessus, Berberian, qui vient juste de sortir. Là, j'ai pas le titre non plus, mais bon, Berberian, c'est un auteur effectivement très très important. Oui, donc non, mais je pensais à des choses beaucoup plus classiques. J'ai cru que tu allais nous parler de Mao, que tu allais nous parler nous citer un Astérix ou un album de Tintin. Non, je citerai un scénariste, je citerai Goscinny. un scénariste, ça se doit de citer des scénaristes. Je c'est citerai vrai. Goscinny, c'est je vrai. Citerai Wellman, je citerai Christin. Des gens qui sont incontournables dans la BD, qui ont laissé une trace durable et qui ont fait évoluer leurs médias. Voilà. Il ne faut jamais oublier que la BD, c'est un média très jeune, très très jeune, qui évolue à une vitesse énorme et phénoménale. Moi, j'ai pris des claques dernièrement avec Luz et son adaptation de Virginie Despentes. Il a inventé des choses dans ces livres-là. C'est pas parfait, mais il a mis en place des choses qui n'avaient jamais été utilisées en BD. Je pense que c'est un média qui évolue tout le temps. Voilà. Et on peut raconter, faire percevoir des choses à son lecteur en inventant encore. Il y a plein de choses à inventer. Donc, oui, c'est un média qui va encore révolutionner les choses. Mais si vous voulez un bon conseil, justement, et là, on va parler de l'actualité de Jargy, si vous voulez un bon conseil, rencontrez Michel, justement, qui vous aidera, qui fera une aide au choix, c'est-à-dire qui fera un vrai travail de libraire et aussi d'éditeur. Il faut aller donc au Salon des éditeurs indépendants qui a lieu les samedis 25 et 26 avril, voilà, 25 à la Bourse du Travail. Samedi et dimanche 26. Ne pas oublier qu'il y aura donc des auteurs et qu'on pourra aller rencontrer Yann Madet avec sa nouveauté, le bouquin qu'il vient de faire sur Lavilliers. C'est ça. Il y aura Olivier Père pour la SSE. Oui. Il y aura aussi Boris. Boris qui, en attendant que son Ravachol sorte début juillet, va nous dédicacer Crassier, son excellente bouquin où c'est une exploration de Saint-Étienne. Et puis Grégoire Co, qui dédicacera Entre deux rives. Bah écoute, il est tout juste 11h. Michel, d'abord, je vais te remercier chaleureusement d'être passé me voir, d'avoir pris le temps de parler de cette magnifique maison d'édition Jargy qui existe déjà depuis plus de 20 ans, enfin même c'est la 22e année puisque c'était en 2024, le 20e anniversaire. Et puis encore une fois, pour te rencontrer, c'est simple, encore une fois, il y a ce salon qui arrive. Et puis n'hésitez pas à lire les bouquins des éditions Jargy, il y a justement suffisamment de matière pour pouvoir trouver son bonheur. Tout à fait. Eh bien, merci Michel. Nous, on se retrouve le mois prochain, au mois de mai. Je n'ai pas regardé la date, mais ça sera le troisième mercredi, forcément. On vous souhaite une bonne journée et puis à l'écoute des programmes du 89.5 de Radio Dion. On vous dit à très bientôt. Merci Michel une nouvelle fois. Ciao. Merci à vous.